expression a frappé l'imagination et a même, je crois, inspiré un film. Le parapluie bulgare, une arme diabolique, inventée par les services secrets de l'Est pour éliminer les dissidents. Un simple parapluie dont la pointe dissimulait un tube capable de projeter une minuscule bille contenant un violent poison. On verra ce que pense vraiment M. X de cette arme qui pourrait venir tout droit de l'arsenal de James Bond. C'est en septembre 1978, à Londres, qu'aurait été utilisé pour la première fois ce parapluie bulgare. Il aurait permis à la Dourjavna Sigurnost, c'est-à-dire la sécurité d'État bulgare, d'assassiner un écrivain, Georgi Markov, qui avait fui son pays et menait depuis une action politique résolue contre le régime communiste. Deux semaines plus tôt, à Paris, un autre dissident et transfuge bulgare, Vladimir Kostov, a été lui aussi victime d'une tentative d'empoisonnement, mais il en a réchappé miraculeusement. Les services occidentaux font tout de suite le rapport entre les deux affaires. La légende du parapluie bulgare est lancée, elle obtiendra le succès que l'on sait. Monsieur X l'affirme, les services de l'Est, et principalement le KGB, ont toujours été des orfèvres en matière d'empoisonnement, et leurs officines spécialisées ont toujours travaillé pour obtenir les produits les plus sophistiqués et surtout les plus indécelables. En 1959, par exemple, deux nationalistes ukrainiens sont ainsi éliminés à l'aide d'un pistolet au cyanure, un engin qui projette un nuage très fin de gouttelettes de poison. La victime, touchée au visage, meurt d'un accident cardiaque. La cause de la mort est très difficilement détectable, à l'époque tout au moins. Et si l'auteur de ce double assassinat n'avait pas avoué ses crimes lors de sa défection à l'Ouest en 1961, on n'aurait sans doute jamais élucidé ces deux affaires. Mais cette préférence des soviétiques pour le poison pouvait aussi donner des idées à d'autres services. Et sans déflorer le récit de M. X, je peux déjà vous dire qu'un autre dossier criminel, quelques mois après l'apparition du mystérieux parapluie bulgare, a sans doute fait l'objet d'une habile manipulation. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Vous y croyez, vous, au parapluie bulgare? C'est plutôt à vous qu'il faut poser la question, non? Bon, au risque de vous décevoir, je vous affirme que je n'y crois pas. C'est-à-dire que vous ne croyez pas à l'existence de cette arme? Oui, c'est tout à fait ça. Oui. Un parapluie, c'est beaucoup trop encombrant. Essayez donc de pointer un parapluie sur quelqu'un, ce n'est ni facile, ni très discret, non? Ouais, pourtant, parce que je sais, un bulgare au moins a vu ce parapluie. Hein. Ah oui, l'écrivain Markov, réfugié à Londres. Alors, je comprends pas. Bon, voyons comment ça s'est passé. D'abord, c'est en quelle année, ça? Oh, en 1978, septembre 78, je crois, à Londres. Bon, avant de commencer, peut-être un mot sur ce Markov. Volontiers. Markov était un écrivain et un dramaturge reconnu qui n'arrivait plus à se faire publier ou à faire jouer ses œuvres dans son pays. À cause de son mauvais esprit, j'imagine. Oui, voilà. Donc, en 1969, il quitte son pays et s'établit en Angleterre. Et là, tant à la BBC qu'à Radio Europe Libre, il produit des séries d'émissions très critiques pour le régime communiste et le président bulgare, Todor Živkov. Oui, il gêne, donc. Incontestablement. Car ces émissions, malgré les brouillages, sont reçues en Bulgarie. Alors, venons-en à l'attentat dont il va être victime. Ça se passe au début du mois de septembre. Comme tous les jours, vers 18h, Markov sort de chez lui, près de Waterloo Bridge. À cette heure-là, il y a beaucoup de monde dans la rue. Oui, il y a foule. Et dans cette foule, un homme bouscule Markov, comme par inadvertance. L'écrivain sent une petite douleur à la cuisse droite, et au même moment, le parapluie que porte l'homme tombe à ses pieds. Et c'est le parapluie qui a cogné la cuisse de Markov? Enfin, c'est ce que pense Markov. Oui, vous dites à lui le rapport, oui. Oui, oui. Comment voulez-vous cogner quelqu'un avec un parapluie, sinon avec la poignée ou le corps de l'objet? En tout cas, pas avec la pointe. L'homme feint la confusion, s'excuse, ramasse son parapluie et passe son chemin. Et Markov, qui le suit des yeux, le voit sauter dans un taxi. Mmh. Et à ce moment-là, il se doute de quelque chose? Non, pas du tout. Mmh. Est-ce qu'il y a eu un bruit? Markov n'a rien entendu. Mais comment aurait-il pu entendre quoi que ce soit au milieu de la rumeur de la rue? D'ailleurs, l'homme a sans doute utilisé une arme munie d'un système à air comprimé. Et pas le parapluie? Non, j'en suis sûr. Le parapluie qui cogne et qui tombe, c'est uniquement un stratagème pour détourner l'attention de sa victime au moment où il tire sur elle. Donc alors, reprenons. Markov ressent une douleur à la cuisse, oui, c'est ça? Oui, mais une douleur qu'il attribue légitimement à la bousculade et peut-être au coup de parapluie qu'il a reçu. Et ensuite, alors ? Markov monte dans sa voiture et il se dirige de l'autre côté de la Tamise, car il doit assurer son service de nuit à la rédaction bulgare de la BBC. Mmh. Et il a toujours mal à la cuisse ? Oui, une douleur de plus en plus violente. J'imagine qu'il consulte un médecin. Hein ? Ce soir-là, non. Ah, et après avoir effectué son travail, il rentre chez lui. Oui, mais je pense qu'il a, dû regarder sa cuisse à l'endroit où il a été cogné. Et il n'a constaté que la présence d'un tout petit hématome. Ça veut dire qu'il ne s'inquiète pas, outre mesure. Non, non, mais dans la nuit, il sent qu'il a de la fièvre. Et il se décide d'aller à l'hôpital dès le lendemain matin. On l'hospitalise ? Oui, car son état s'aggrave assez rapidement. Et les médecins, que pensent-ils ? Ben, ils diagnostiquent un empoisonnement sanguin. Mmh. Et mais est-ce qu'ils font un rapport avec le coup de parapluie ? Non, ils songent d'abord à sauver d'affaire ce malheureux. Et pendant 3 ou 4 jours, ils luttent contre l'empoisonnement. En vain, comme vous le savez. Mais Markov meurt donc. On pratique sans doute une autopsie pour tenter de trouver une explication. Bien évidemment, mais le médecin légiste ne trouve rien. Toutefois, comme Markov, lorsqu'il délirait à accuser la police secrète bulgare, la fameuse Durjavna Sigurnovst, la déesse, comme on dit entre nous, de l'avoir empoisonné, comme d'autre part, avant de mourir, il a parlé de ce mystérieux coup de parapluie, les policiers de Scotland Yard demandent une seconde autopsie. Et là, j'imagine qu'on trouve enfin. Oui, hein. À l'endroit où l'écrivain a été frappé, sous l'épiderme, on découvre une minuscule bille métallique. Minuscule, c'est-à-dire ? Une tête d'épingle, moins de 2 mm de diamètre, fabriquée dans un alliage de platine et d'iridium. Deux métaux qui ne provoquent ni rejet ni inflammation. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que cette toute petite bille est percée de trous microscopiques. Mmh. Les trous par lesquels le poison a diffusé dans le sang de Markov. Bien sûr. Mmh. Et la nature de ce poison, alors ? J'y viens. Mais avant de faire procéder à une analyse, les policiers britanniques ont immédiatement compris que seule une organisation possédant de grands moyens pouvait avoir conçu une telle technique d'assassinat. Oui, une technique très sophistiquée quand même. Mais comme Markov, avant de mourir, avait accusé la police secrète bulgare. Hein. Cette fameuse déesse qui était elle-même souvent le bras armé du KGB. Il ne fallait pas chercher très loin. Ouais. Mais alors, maintenant le poison, revenons. Deux semaines plus tôt à Paris, un autre bulgare avait vécu une curieuse aventure. Racontez-la. Alors celui-là s'appelait Vladimir Kostov. Qui était-il? Kostov était journaliste, mais avant de faire défection, il avait été agent de la déesse. Ah, bien sûr, donc. Ouais, et qui avait en particulier exercé ses coupables activités dans notre pays. Cet homme avait donc des raisons sérieuses d'être en permanence sur ses gardes. Oui, car ses employeurs pouvaient être tentés de liquider ce traître. Et évidemment, par conséquent, il se méfiait. Or, un jour, alors qu'il se promenait en compagnie de sa femme, il repère un homme qui semble le suivre. Mais ce type disparaît. Kostov respire. Donc, fausse alerte. C'est ce qu'il pense, oui. Et toujours avec son épouse, il prend le métro. Et lorsqu'il sort à la station Champs-Élysées, soudain, dans l'escalator où se trouvent de nombreux voyageurs, il sent un coup sec dans son dos. Et en même temps, il entend un bruit, un peu comme une pierre qui tombe. Il pense donc qu'on lui a lancé une pierre. Exactement, il se retourne et il aperçoit très près derrière lui l'homme qu'il suivait un moment plus tôt. Et alors, comment réagit Kostov là ? Comme il pense que c'est une pierre ou quelque chose comme ça qui l'a touché, il ne soupçonne pas le moins du monde son suiveur. Pourquoi ? Parce que l'homme ne disposait pas d'assez de recul pour lancer un projectile avec une telle violence. Donc, soyons précis, il ne fait pas de rapport entre la présence de cet homme et le coup qu'il a reçu, non, c'est ça. Et il sort de la bouche du métro, tandis que l'homme qu'il suivait s'éloigne tranquillement. Mmh. Et comme son compatriote Markov, Kostov a de plus en plus mal ? Non. Mais c'est vrai, il ressent toujours une douleur. Alors il demande à sa femme de regarder s'il a une marque. Mais sous la chemise, il n'y a pas d'ecchymose. Simplement un petit point rouge comme une piqûre d'insecte. Toutefois, un peu plus tard, comme il a toujours mal, il se décide lui aussi à aller voir un médecin. C'est-à-dire longtemps après avoir été touché ? Non, non, tout juste 2 heures après. Et il est donc beaucoup plus prudent que Markov. Il est surtout aguerri. Il sait que les agents de l'ADS dont il a été membre sont capables d'utiliser des moyens sophistiqués pour liquider leurs ennemis. Et dès ce moment, il pense qu'il a peut-être été victime d'un attentat. Il le pense, mais il n'a encore aucune certitude. Puis la suite est un petit peu confuse. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Qui était Vladimir Kostov ? En 1986, il publie « Le parapluie bulgare », c'est le nom de son livre, aux éditions Stock, un livre donc où il se raconte. C'est en 1977 qu'il a choisi avec sa famille de demander l'asile politique en France, je le cite. « J'ai déclaré avoir travaillé pendant les 3 années de notre séjour en France comme journaliste, mais également comme officier avec le grade de commandant des services de renseignement de la DS, le KGB bulgare. Notre démarche n'avait rien d'exceptionnel. Nous n'étions pas les premiers membres du Parti communiste bulgare, ni moi, le premier officier de la DS, à choisir le retour aux vraies valeurs humaines et nationales. » Et Kostov de préciser qu'il a fait défection parce qu'il désapprouvait les relations étroites entre les autorités de son pays et l'URSS. Plus loin, il parle de son travail clandestin en France sous sa couverture de représentant de la télévision bulgare. Mon terrain de chasse, c'était le milieu journalistique. Il fallait trouver des journalistes influençables, ou qui pourraient le devenir, se lier à eux, les étudier dans la mesure du possible, présenter les renseignements aux résidents de l'ADS qui décidaient de la suite des opérations. Comment procéder? Nous avons de l'argent, me disait Stankov avec un sourire. De ce côté-là, nous n'aurons jamais de problème. Je ne crois pas que beaucoup puissent nous concurrencer sur ce point. Mais tu ne vas pas débarquer avec un sac rempli de billets de banque chez les journalistes qui nous intéressent. Les gens qu'on peut acheter comme ça, donnant-donnant, existent, mais ce ne sont pas les plus appréciés. Nous avons besoin de journalistes convaincus de leur indépendance et de leur intégrité morale et professionnelle, et qui, en même temps, servent nos intérêts. Lorsque Kostov voit un médecin, que lui dit ce dernier? Ce praticien est très circonspect. Il palpe la peau du Bulgare à l'endroit où celui-ci ressent une douleur et il constate qu'il n'y a pas de corps étranger. D'autre part, comme Kostov émet l'hypothèse d'un attentat contre sa personne, il le rassure aussitôt. Il n'y a pas de trace de blessure par arme à feu ou arme blanche. Mmh. Il n'est effectué qu'une palpation. Hein. Mmh. Et puis il y a cette minuscule échymose quand même. Mmh. Alors le médecin pense qu'un insecte a dû se glisser sous sa chemise et le piquer. Mmh. Et l'hypothèse du poison? Le médecin n'y croit pas car plusieurs heures se sont déjà écoulées et Kostov devrait donc déjà en subir les effets. Mmh. Kostov, là, est donc rassuré? Oui, mais il ne va pas mieux pour autant. Son dos enfle, la fièvre monte, et puis brusquement tous ses symptômes s'effacent. C'est alors que Kostov apprend ce qui vient d'arriver à Markov à Londres. Mmh. Donc c'est passé plusieurs jours, hein, quand même. Mmh. Il fait immédiatement un rapport avec ce qui est arrivé à lui-même. Ben, naturellement, et informé de la présence d'un petit projectile métallique dans le corps de Markov, il décide de se faire radiographier. Et là, bon, je vais un peu anticiper, mais j'imagine qu'on va découvrir la présence d'une petite bille sous sa peau, c'est exactement. Ouais. La police française est avertie, se met en relation avec Scotland Yard. Résultat, des policiers britanniques débarquent à Paris et assistent à l'extraction de la petite bille qui se trouve être la réplique exacte de celle qui a tué Markov. Mais qui n'a pas tué Kostov. C'est juste. Et les policiers en ont conclu que pour une raison inconnue, la bille de platine n'avait pas délivré son poison dans l'organisme du Bulgare. Mmh. Mais trop, c'était bouché. Sans doute. Mmh. Et effectivement, les experts britanniques, car ce sont eux qui se sont chargés de l'analyse toxicologique, ont retrouvé à l'intérieur du poison dans une quantité telle qu'elle aurait dû provoquer la mort de Kostov. Mmh. Alors, je reviens à la question que je vous posais tout à l'heure. Ce poison, qu'est-ce que c'était? Un produit très peu connu, mais d'une redoutable efficacité. On l'a vérifié en expérimentant son action sur un cochon. C'était un extrait de ricin. Le ricin, la plante, c'est oui, ça, cette hein. plante qui permet d'obtenir une huile purgative dont les séides de Mussolini ont fait un si détestable usage. Elle contient aussi un principe actif qui est un violent poison, la ricine. Il suffit de moins d'un milligramme pour tuer un homme. Mmh. C'est donc ce poison qui a été utilisé. Tout à fait. Mmh. Et l'utilisation de ce poison montrait à l'évidence que le KGB se trouvait derrière cette affaire. Le KGB, là, pourquoi? Bon, parce que nous savions que les laboratoires secrets soviétiques avaient mis au point toute une série de poisons à haute toxicité, destinés aux actions humides, comme on disait alors dans les services de l'Est. Oui, les actions humides, c'est-à-dire les assassinats. Bien entendu, ça allait des poisons d'origine végétale, comme la ricine ou la conitine, aux poisons d'origine animale, comme le venin de cobra. Puis il y avait naturellement les poisons chimiques classiques comme le cyanure ou le curare, sans compter les poisons bactériologiques comme la redoutable botuline et les autres germes de maladies mortelles. Et les hommes de main du KGB, enfin, ou d'autres services affiliés, les ont effectivement utilisés? Oui. Oui, nous en avons eu plusieurs exemples, surtout dans les années 50-60. Certains de ces poisons étaient d'autant plus efficaces qu'ils ne provoquaient pas une mort instantanée. Ça permettait donc au tueur de disparaître avant qu'on ne diagnostique l'empoisonnement. Si on le diagnostiquait, car dans de nombreux cas, la preuve de l'empoisonnement n'a pas été réellement apportée. Mmh. Et vous avez un exemple? Oui, l'un des plus effrayants parmi ces poisons, c'était le thallium radioactif. Le thallium, c'est le poison que les services français ont dû utiliser pour liquider un opposant africain. Hein? Oui, Félix Moumier, nous en avons déjà parlé ensemble. Ce même poison a aussi servi à éliminer un type qui fournissait en armes le FLN pendant la guerre d'Algérie. Les services avaient alors construit tout exprès une sarbacane qui projetait une flèche empoisonnée. Mais pour revenir aux substances radioactives, il semble bien que la mafia russe continue aujourd'hui à se servir de telles substances pour éliminer, par exemple, les industriels qui refusent de se laisser racketter. En tout cas, ça veut dire que le poison n'était pas seulement une spécialité des services soviétiques. C'est vrai, mais ce sont à coup sûr les laboratoires du KGB qui ont effectué les recherches les plus pointues dans ce domaine. Et lorsque quelques mois seulement après l'affaire du parapluie bulgare, un important homme d'affaires américain est mort de façon mystérieuse à Paris, il a été tentant d'y voir la main du KGB. Et cet homme, c'était qui ? David Carr, un personnage tout à fait étonnant. Expliquez-moi. Carr est né à Brooklyn en 1915. Il s'appelait alors Katz. Et c'était le fils de deux modestes émigrés juifs d'Europe de l'Est. Et pourquoi a-t-il changé de nom, alors ? Attendez, vous sachez d'abord que très tôt, le jeune David est attiré par l'idéologie marxiste. Et à 20 ans, on le retrouve donc dans l'entourage des chefs du PC américain. Il fréquente en particulier un certain Silvermaster, qui est aussi l'un des principaux agents du NKVD aux États-Unis. Ouais, le NKVD qui est, faut le rappeler, hein, l'ancêtre du KGB. Oui. Et c'est-à-dire que le jeune homme est lui aussi proche des services secrets soviétiques. Ça ne me paraît pas improbable. Curieuse réponse. Écoutez, nous parlons là de l'avant-guerre, alors écoutez la suite. Katz, puisqu'il s'appelle encore ainsi, travaille d'abord dans le journal du parti, le Daily Worker. Puis au moment de la guerre, il parvient à être engagé dans un organisme gouvernemental. Malgré son appartenance présumée au Parti communiste. Oui, et grâce à la protection d'un futur sénateur. Un homme qui sera d'ailleurs inquiété à ce sujet, mais enfin à partir de là, c'est le mystère. Mystère, oui, c'est-à-dire ? Katz disparaît pendant plusieurs années. Et quand il refait surface, il s'appelle Carr, David Carr. Étrange cette disparition, non ? Vous savez ce que ça me rappelle ? Non, mais si. La disparition pendant plusieurs années de l'avocat Jacques Vergès. On n'a jamais su vraiment où il était allé. Et lui-même s'est bien gardé de le révéler. Attendez, on a quand même parlé du Cambodge, hein, à l'époque où les Khmers rouges venaient de prendre le pouvoir. Oui, mais sans aucune certitude. Enfin, passons. Mais puis revenons à Carr. Mm-hmm. Lorsqu'il revient, il se lance dans les affaires. Quel genre d'affaires ? Carr devient un important intermédiaire dans les relations commerciales entre l'Est et l'Ouest. On peut donc imaginer qu'il a gardé de très bons contacts avec les communistes. Certains, là-bas en URSS, il était persona grata. Et très rapidement, Carr a bâti une colossale fortune et loué des relations privilégiées dans les milieux qui comptent, à l'Est comme à l'Ouest. Est-ce que vous voulez dire que ses activités n'étaient pas seulement commerciales ? Bien sûr. Carr a fait partie de ces quelques personnages qui ont joué un rôle essentiel dans le rapprochement entre les deux blocs. Sans compter que ce rapprochement était plutôt favorable au développement de ses affaires. Il ne faut pas oublier qu'un certain nombre d'hommes politiques et d'hommes d'influence étaient alors persuadés que ces relations commerciales aboutiraient tôt ou tard à faire évoluer le bloc soviétique. Donc Carr jouait un rôle politique important. Incontestablement. Et la question nous touche de très près, nous, Français. Nous, Français, pour quelle raison ? Parce qu'en 1964, Carr avait choisi de s'installer à Paris. Luxueusement d'ailleurs. Non seulement il possédait un appartement avenue Foch, mais il disposait à l'année d'une suite au Plaza Athénée. En effet, les moyens. J'ajoute qu'il comptait beaucoup d'amis dans les milieux financiers et politiques français. Au plus haut niveau, bien entendu. Et l'homme lui-même ? Je ne l'ai jamais rencontré, mais je sais que les services l'avaient à l'œil. Discrètement, bien sûr, étant donné ses multiples et puissantes relations. Oui, mais vous n'avez pas répondu là sur l'homme. Eh bien, d'après ce que je peux en savoir, Carr, marié à une très jolie et jeune américaine, sa quatrième épouse était un personnage jovial et sympathique. Et il faut bien le dire, au milieu des années 70, il avait de réelles raisons de se réjouir. Mais pour quelle raison, justement ? Parce qu'il était à l'origine de la signature d'un gigantesque contrat. Un contrat qui a peut-être précipité sa fin. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Avant de revenir au destin de David Carr, revenons un instant sur la déesse, la Durjatna Sigurnost, c'est-à-dire la sécurité d'État bulgare. Elle travaillait en étroite collaboration avec le KGB et elle a été redoutablement efficace. Jacques Beau, auteur d'une encyclopédie du renseignement et des services secrets paru chez Lavoisel, dresse la liste des principales actions qu'elle a entreprises en Europe occidentale. L'assassinat du dissident Georgi Markov en septembre 1978 en Grande-Bretagne, l'affaire du parapluie bulgare, organisée par le général Vlado Todorov, alors chef de la DS. L'attentat contre le pape Jean-Paul II est probablement l'engagement des célèbres camions pour des missions d'exploration en Europe, des véhicules bourrés d'équipements électroniques d'espionnage. Enfin, d'autres activités, telles que l'importation illégale d'héroïne aux USA durant les années 70, ont été menées par l'intermédiaire de firmes commerciales, en l'occurrence la firme Kintex. Mais lors du changement de régime, à la fin 1989, 1500 des 1700 dossiers des opérations spéciales de la DS ont été détruits ou emportés. En outre, un grand nombre de collaborateurs de la DS se sont retrouvés dans les nouveaux services de renseignement bulgares. J'ajoute que selon Claude Moniquet et Geneviève Etienne, auteur de l'histoire de l'espionnage mondial, publié aux éditions du Félin, quelques semaines après l'élimination de Markov, un autre Bulgare, Vladimir Simeonov, a été trouvé mort dans le hall de son immeuble. D'après les médecins légistes, il aurait été étouffé avec son propre sang. Une explication qui n'a convaincu personne, et surtout pas Scotland Yard. Ce mirifique contrat, qu'est-ce que c'était ? Un prêt de 250 millions de dollars aux Soviétiques pour la construction d'un énorme hôtel à Moscou, en prévision des Jeux Olympiques de 1980, le fameux hôtel Cosmos. Et a-t-il besoin de le préciser, les conditions consenties aux Russes étaient très favorables. C'était David Carr. Oui, c'est lui qui avait réuni un consortium de banquiers occidentaux où l'on retrouvait les plus grands établissements financiers de la planète. Joli succès, donc. Hein. Ouais, Carr avait en effet toutes les raisons de se féliciter. Un important dirigeant soviétique en particulier l'avait aidé à mettre au point ce contrat. Qui était ce dirigeant, hein? Le gendre de Kosygin, qui était alors à la tête du comité d'État pour les recherches scientifiques et techniques. Un organisme qui était, nous l'avons appris ensuite, grâce à notre taupe du KGB, Farwell, un des maillons de l'espionnage scientifique soviétique en Occident. Et donc, forcément lié au KGB? Forcément. Ce que pouvait difficilement ignorer un homme comme David Carr, qui connaissait très très bien la réalité soviétique. Ça me paraît évident. Et ça renforce ma conviction. L'homme d'affaires était toujours lié au service secret. Et il ne pouvait pas en être autrement, puisqu'il jouait en permanence le rôle d'intermédiaire entre l'Est et l'Ouest. C'était un pion indispensable. Oui. Et qui était chargé de construire cet hôtel Cosmos, hein? La matière grise, plan, conception, était française. Mais la main-d'œuvre était bien sûr russe. Les travaux ont avancé cas à cas. Il y a eu d'importants dépassements de budget. Pour quelle raison? Il fallait tenir compte de la bureaucratie soviétique et des inévitables lenteurs ou malfaçons. Mais il y avait aussi autre chose de plus inquiétant. Expliquez. Les Soviétiques, et en premier lieu le KGB naturellement, misaient gros sur ces Jeux Olympiques et de Moscou. Ouais, ils voulaient en faire un instrument de propagande. C'était bien le moins. Mais ils espéraient surtout à cette occasion opérer une formidable manœuvre de recrutement. De recrutement, quoi, d'agents? D'agents, oui, mais aussi d'hommes d'influence. Ils ont par conséquent imaginé de faire de ce gigantesque hôtel Cosmos, qui comptait presque 2000 chambres, un vrai nid d'espionnage. Que voulez-vous dire, Alain? À l'insu des architectes et des maîtres d'œuvre, le KGB voulait truffer les chambres, les restaurants, les couloirs, les salles de réunion, de caméras et de micros. Dans quel but exactement? Surprendre les petits secrets des sportifs, des journalistes, des entraîneurs ou autres dirigeants qui séjourneraient. Et ensuite, monnayer ses indiscrétions ou ses secrets, là. Oui, en tout cas s'en servir pour approcher les gens. Ouais. Si je me souviens bien, les États-Unis ont refusé de participer à ces Jeux de Moscou, non? Vous avez raison, les Américains et les Allemands de l'Ouest. Ouais. Et vous pensez qu'il pourrait y avoir un rapport entre la décision américaine et le fait que les Soviétiques allaient essayer de piéger leur délégation? Ce n'est pas impossible. Même si vous devez vous en souvenir, le prétexte de l'absence américaine a été l'invasion de l'Afghanistan par l'armée rouge. Oui, d'accord, mais... Et le rapport avec Carr, alors? L'homme d'affaires, si intimement lié aux Soviétiques, a certainement découvert ou appris l'usage que voulaient faire ses amis de l'hôtel Cosmos. Il était donc en possession d'un formidable et très dangereux secret. Et vous pensez qu'on aurait pu le faire taire, c'est ça? C'est une hypothèse assez séduisante. Imaginez que David Carr se soit rendu coupable d'une indiscrétion. Malgré tous les services qu'il rendrait au bloc de l'Est, le KGB aurait très bien pu prendre la décision de l'éliminer pour prévenir d'autres indiscrétions. Et à votre avis, c'est ce qui s'est passé? Je ne le crois pas, non. Mais on a tout fait pour accréditer cette hypothèse. C'est-à-dire, alors, comptez. Eh bien, les commanditaires de son assassinat se sont débrouillés pour que ça ressemble à un crime du KGB, vous comprenez? Oui, je sais de comprendre. C'est à cause de l'utilisation du poison? Oui, ces poisons qui ne laissent pas de traces et dont les experts du KGB étaient devenus des spécialistes incontestés. Bon, on va peut-être y revenir, hein, mais examinons d'abord les circonstances exactes de la mort de David Carr. Au début du mois de juillet 1979, l'homme d'affaires se trouve à Moscou et il décide de revenir à Paris. Votre connaissance, Carr se sentait-il menacé? Avant son voyage à Moscou, il aurait confié à sa femme, enfin j'emploie le conditionnel à dessein, que sa vie était en danger. Ce qui affirme la thèse de l'assassinat par le KGB, Carr. Il ne serait pas allé se jeter dans la gueule du loup en prenant l'avion pour l'Urse, non? Il avait tout à fait raison. Oui. Alors, il rentre à Paris? Oui. Il passe d'abord à l'hôtel Plaza Athénée, où, je vous le rappelle, il dispose d'une suite. Puis après avoir conversé avec le directeur, qui est un ami, il se rend chez lui, avenue Foch. Il fait alors nuit. Et Carr appelle sa femme, Evia, qui se trouve aux États-Unis. Puis il la rappelle vers 4 heures du matin et lui annonce qu'il est sur la liste d'attente du Concorde pour le lendemain. Mmh. Apparemment, il a donc l'intention de rejoindre sa femme. Vraisemblablement. Mais c'est plus important, il dit à sa femme qu'il ne se sent pas très bien. Il pense qu'il a mangé quelque chose à Moscou qui ne passe pas. Evia lui conseille alors d'aller s'allonger. Ce qu'il fait ? Oui, car lorsqu'il la rappelle quelques minutes plus tard, il affirme téléphoner de sa chambre. Il lui dit aussi qu'il se sent mieux. Si je comprends bien, si je calcule, là, il est alors plus de 4 heures. Hein. Exactement, 4 heures et demie, heure de Paris, d'après Evia Carr. 2 heures et demie plus tard, l'homme d'affaires est découvert mort dans son appartement par son valet de chambre. À côté de lui, il y a une valise. Une valise. Il s'apprêtait donc à aller prendre le Concorde, comme il l'avait annoncé à sa femme. Bien sûr. Un médecin de l'hôpital américain est appelé. Il constate le décès, qu'il estime avoir eu lieu à 2 heures du matin. Alors que, selon sa femme, il était encore en vie à cette heure-là. Hein. Et il signe le permis d'inhumer. Mais à cause de la mort. D'après le médecin, il s'agit d'une crise cardiaque et donc d'une mort naturelle. Mmh. Mais malheureusement, ça n'est pas si simple. Pourquoi ? Parce qu'on a découvert autre chose ? Oui, des choses très troublantes, et ceci grâce à l'épouse de Carr. Dès son retour à Paris, elle découvre des faits bizarres. Le carnet d'adresse, un carnet particulièrement intéressant, étant donné les relations du défunt, a disparu. D'autre part, il est visible que les papiers de l'homme d'affaires ont été fouillés. Mmh. Mais ils ont pu l'être après la mort de Carr, hein. Je ne sais pas, moi, par des policiers, par exemple. Ou par les hommes de l'ambassade américaine. Une ambassade qui s'est empressée tout de suite d'accréditer la thèse de la mort naturelle et qui a certainement essayé de faire main basse sur les documents les plus confidentiels. Car Evia Carr, le constat... La femme, hein, c'est ça. Oui, oui. Dès son arrivée, il y a une foule énorme dans l'appartement de l'avenue Foch et elle doit chasser tout le monde. Mmh. Bon, admettons. Mais jusque-là, rien de vraiment troublant, hein, si on tient compte des... activités très délicates de David Carr. Admettons, écoutez, l'épouse de Carr arrive juste à temps pour empêcher l'incinération du corps et en examinant la dépouille de son mari, elle constate que le visage est tuméfié. Ouais. Si Carr a une crise cardiaque, selon le médecin, hein, mmh. Il a pu se blesser en tombant. Sans doute. Mais la soupçonneuse Evia Carr exige une autopsie. Et là, on découvre à la radio une fracture du larynx. Mmh. Je ne suis pas médecin légiste, mais enfin, je doute qu'on puisse se faire une fracture du larynx simplement en tombant. Mmh. Donc pour vous, Carr a été frappé. Je le pense. Mmh. Alors, toujours selon vous, comment les choses se sont passées ? Carr ingère un poison, sans doute avant de quitter Moscou. Rappelez-vous qu'il a dit à son épouse qu'il se sentait mal. Oui, c'est ça. Oui. Bon, oui. L'effet du produit a été calculé pour que l'homme d'affaires meure pendant la nuit qui suit son retour. Dès qu'on le croit mort, on pénètre dans l'appartement de l'avenue Foch afin de s'emparer des documents. Ah oui, mais ce « on » là, c'est qui ? Une seconde. Donc, un ou deux hommes s'introduisent dans l'appartement. Mais Carr n'est pas encore mort. Il faut donc parer au plus pressé. Alors qu'on s'attend à ce qu'il soit mort. Oui, oui, donc il le tue d'un coup au larynx, un coup qui ne laisse aucune trace sur la peau. Puis il fouille et il s'enfuit, et sans l'assistance de Mme Carr, on n'aurait jamais rien su. Mais au cours de cette autopsie, on a certainement procédé à des analyses toxicologiques. Oui, mais cette autopsie a été tardive, je vous le rappelle. Et toute trace de poison avait disparu. Ouais, alors maintenant, nous avons quand même un fait principal. Qui ? Hein, après vous ? Les soviétiques ? Non, je vous ai expliqué pourquoi. Moi, je m'intéresserai plutôt aux autres affaires de David Carr. Il venait par exemple de conclure un important contrat d'armes avec l'Ouganda d'Amin Dada. Un contrat qui avait beaucoup irrité les Israéliens. Et vous pensez donc que les Israéliens ? À moi ? Ah non, je n'ai rien dit, bien entendu. Impossible d'obtenir de M. X d'autres détails. Mais dans un article de l'Aurore en date du 21 juillet 1979, le journaliste Jacques Le Singe